Le 26 février à midi, afin de souligner le mois de l'histoire des Noirs, Midi Jazz propose une rencontre entre Webster et Gilles Chaumel. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Gay avec vous. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre, ça va bien? Ça va très bien, d'autant plus qu'on est encore en plein milieu du mois multi et qu'il y a encore beaucoup d'activités, même si les installations ont pris fin la semaine dernière, mais il y a encore un certain nombre de choses, dont le lancement d'un disque d'Alexandre Saint-Onge cette semaine. Il y a le party de clôture de Venise qui a lieu, mon Dieu, c'est quelle date déjà, samedi prochain. Donc, il y a plein de choses encore au mois multi, ce qui fait que regardez la programmation puis vous allez voir que vous allez avoir plein de choses pour, plein d'activités pour vous y intéresser. Et dans ce contexte-là aussi, je dirais, il y a vendredi prochain au Lantis un événement qui est à ne pas manquer à 20h. Ça s'appelle Fréquence avec un gros Q, puis un gros C, puis numéro 2, puis c'est Erreur de type 27 qui va présenter ce spectacle-là. On va avoir Paul-Olivier Roy avec nous autres dans quelques secondes, dans quelques minutes. Et on va le recevoir ce soir. Et on va aussi recevoir, dans un tout autre ordre d'idées, une personne qui était au mois multi, Myriam Boucher, membre de Quader, qui va donc nous parler de son spectacle qu'ils ont livré ici au mois multi. Et dans quelques secondes, on va avoir avec nous Pierre-Olivier Roy, d'Erreur de type 27. Et on entend déjà un peu l'hélico, je ne sais pas trop quel appareil qui s'en vient. Voici Résonance. Pierre-Olivier Roy, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre une pièce de Benoît Fortier qui a été jouée dans le concert d'ouverture de la saison 2015-2016 de Erreur de type 27. Mm-hmm. Un concert qui s'appelait D'un château à l'autre, qu'on a produit à la cathédrale Holy Trinity, mm-hmm. en face du Clarendon. Oui, oui, oui. Oh, oui. Dans le Vieux Québec. Salle. Acoustique mm-hmm. Complètement incroyable. Là. Le bois fait beaucoup, donne un environnement totalement chaleureux mm-hmm. et c'est comme intime et grandiose c'est à la fois. C'est tout petit en même temps, mais ouais. C'est quand même une église aussi là, au départ. Donc, il y a une acoustique qui est excellente ouais. Dans cette salle-là. Absolument. Puis, Benoît était un des compositeurs qui est venu présenter une pièce. C'était une pièce qui était jouée par Inti Manzi, qui est un violoniste qui gravite autour de Erreur de type 27, qu'on est vraiment content d'avoir là, dans notre entourage, on a toujours des musiciens d'exception. Puis là, il y a une collaboration. Benoît et Inti, je crois, se connaissent bien. Il y a eu une création là, de ces deux comparses. Mmh. Ça a l'air très intéressant. Ah, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Très bien. Il y avait beaucoup de... En tout cas, dans ce qu'on entendait, il y avait comme une belle harmonie là, qui se dessinait. Il y avait un traitement électronique qui était fait oui. live. Puis je suis content comment ça sonne. Parce la captation était bonne. Hein? Oui, oui. Ça me fait plaisir. Ben, c'est pas pour ça que tu es ici ce soir, Pierre-Olivier. Ben, en fait, c'est pour un autre concert qui va avoir lieu bientôt. Mais avant de parler du prochain concert, juste avant l'entrevue, on disait qu'on voulait préciser c'était quoi Erreur de type 27. Parce qu'Erreur de type 27, nous, on pensait que c'était un ensemble. C'est pas tout à fait ça. Oui, en fait, moi, je suis arrivé à Direction générale et artistique cette année pour la mm-hmm. saison 2015-2016. Mais il faut dire que Erreur de type 27 en est à sa 16e saison cette année. L'ensemble, même moi, je me trompe. L'organisme en est à sa 16e saison et on fêtait le 15e anniversaire l'an dernier. Ça a été créé par des étudiants du conservatoire en 1999. Ça l'a vraiment beaucoup évolué. Au départ, ça devait être un ensemble de musique mm-hmm. qui devait jouer des compositeurs vivants, mm-hmm. à tout le moins, et favoriser la création. Au fil des années, en 2002, Gisèle Ricard est arrivée dans l'organisme, puis elle a assuré la direction artistique pendant plusieurs années. De là sont sorties de grandes collaborations avec le Musée national des beaux-arts, mm-hmm. avec le Festival des TOF, avec il y a eu encore là beaucoup de partenariats financiers. La Manif d'art, oui, absolument. Oui. Donc, ça s'est ramifié, le bruit a couru, puis la communauté a grandi autour de cet ensemble-là. Et en 2008, il y a Marie-Hélène Brault, mm-hmm. la flûtiste, compositrice qu'on connaît quand même beaucoup dans le monde de la musique contemporaine, est arrivée à la direction générale et artistique aussi, puis elle a assuré le mandat jusqu'en 2013-2014. Avec elle, Erreur de type 27 a consolidé ces liens-là, puis la collaboration avec les différents organismes à Québec. Elle, qui est une musicienne quand même d'exception, a vraiment consolidé le noyau de musiciens et de compositeurs qui gravitaient mm-hmm. autour d'Erreur de type 27. Il y a une direction artistique qui a été faite par Patrick Giguère pendant 2 ans. Jusqu'à l'année dernière, un compositeur de Québec oui. qui a vraiment consolidé, lui, tout ce qui est les personnalités des concerts, donné à chacun des concerts une signature. Mm-hmm. Un peu. Donc, au fil des 15 dernières années, l'ensemble, c'est vraiment structuré du fait que... Puis ça fait qu'en arrivant cette année dans une structure comme celle-là, le jouet est très agréable à manipuler. Il reste à le faire jouer. Absolument. Les défis restent toujours là. Les défis de l'art contemporain sont toujours là. Mm-hmm. Ce sont toujours des grands défis, mais c'est tout à fait agréable. Le concert qu'on présente là en est une preuve vivante. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. C'est un concert dont le titre... d'un spectacle dont le titre... s'appelle Fréquence 2. Oui. Donc, il y a eu un fréquence 1. Et la manière dont vous écrivez fréquence, bon, je ne sais pas si c'est juste un petit pour vous amuser, mais un grand Q, puis un grand C, un grand N. J'ai pas creusé. Ça vient de mon prédécesseur. Ça vient de Patrick. Ça, fréquence, okay. C'est vraiment un jouet à Patrick. Puis je trouvais donc, intéressant. Le 1, c'était Patrick. Oui, le 1, okay. C'était Patrick. Puis ça a tellement été un bel événement l'an dernier. Ils ont rajouté des chaises à la dernière minute. Mm. La collaboration, Lantis est un collaborateur hors pair dans toute cette histoire-là. C'est un lieu... C'est un lieu qui se prête bien à ça. C'est un lieu d'expérimentation aussi. Ah oui, c'est un lieu tout à fait avec singulier. Avec Robert Faguy, oui, qui est là. Il est à la fine pointe dans beaucoup de domaines, Robert. Oui. Ouais. Mm. Oui. Puis cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Question de renouer avec notre première fois, essayer de refaire un espèce de succès, si on peut dire, parce qu'encore cette année, on est dans la programmation périphérique du mois multi. Du mois multi, ben oui. Avec qui on adore travailler aussi. On trouve que cette production-là correspond tout à fait à l'espèce... C'est un mélange naturel. Il y a beaucoup d'affinités entre les deux univers. Parce qu'il faut dire que Era de type 27 ne produit pas que... des événements acousmatiques ou des événements liés à l'art audio ou à l'art sonore. On est vraiment un organisme qui favorise le répertoire de musique contemporaine, qui favorise la création, mm-hmm. et puis qui favorise aussi les déclinaisons de cette musique-là. Parce que la musique contemporaine peut être de la musique de chambre. Ça peut être, comme on va le voir la semaine prochaine, vendredi. En fin de semaine. Vendredi. Ça arrive vite! De la musique acousmatique et comme on va présenter au mois d'avril de la musique mixte, donc des instruments live et puis de l'électronique. Ah! On entend de la belle musique. Ben oui! Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Là, on vient d'entendre une pièce de Marie-Pierre Brasset qui s'appelle Pripyat et Die. Mais on imagine que ça se dit comme ça, donc. C'est Marie-Pierre, c'est une fille qui a étudié à Québec, aussi à l'Université Laval. Puis elle a une belle montée en ce moment. Elle travaille avec beaucoup d'ensembles au Québec et à l'étranger. Elle fait partie du groupe de la corporation. Non, elle a déjà collaborer. Mm-hmm. C'est tout. C'est de la récurrence de collaborateurs, si je pourrais dire. Donc, il y a des gens qui gravitent autour des rêves de type 27. Bon. On va parler du concert, de l'événement de vendredi prochain. Oui. Bon, tout à l'heure, on disait qu'il allait y avoir, évidemment, un concert. Oui. Mais il y a aussi d'autres choses autour. Il y a des installations, il y a un documentaire sonore. Enfin, quelques mots là-dessus. Oui, dans ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a eu un beau succès l'an dernier. Mais on se disait quand même qu'on pouvait quand même revarier un peu la forme. L'an dernier, malgré tout le succès, c'était quand même une forme concert. On arrive à 8 heures. Il y a de la musique pendant 35-40 minutes. Il y a une pause. Il y a de la musique pendant 35-40 minutes. Une forme quand même... Un concert. Pour les gens qui sont déjà allés ou pour les gens qui connaissent pas l'Antis, c'est un lieu assez particulier où est-ce qu'il y a un studio principal. C'est comme un gros laboratoire. L'Antis. Mais c'est comme un gros laboratoire, oui. Il y a plein de petits raccoins. Là, on entre au troisième étage, mais il faut encore monter deux étages par une passerelle. Il y a une espèce de... C'est une espèce de Robocop, toute cette histoire-là. C'est assez... Puis, on s'est dit que ça serait-tu pas merveilleux? En plus, on s'est inspiré de Moi Multi, qui est très tentaculaire et qui installe un peu ses tentacules. C'est les visées du directeur général, ça. Ah, parlons-en. Qui est à la mise en onde. Qui nous regarde par la fenêtre. Donc, on avait un peu une visée tentaculaire là-dessus, ne serait-ce que d'accueillir les gens, puis avant même d'arriver au concert, qu'ils soient baignés dans quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui leur arrive, que ce soit pas juste quelqu'un avec des CD, puis une petite caisse grise, puis dire bonsoir. Puis, dans cette visée-là, moi, c'est pour dire c'est la première production que je porte à la direction, comme directeur général et artistique cette année. Et puis, j'ai lancé l'appel aux compositeurs, James O'Callaghan, Adam Bazanta et Guillaume Côté, et tout le monde a levé la main. Il y a Adam là que finalement qu'on a eu au Moi Multi aussi. Qui est au Moi Multi, qui a une très belle présentation de pirouette. Chez Avatar. Oui, chez Avatar, c'est formidable cette installation-là, c'est vraiment à voir. Juste le teaser vidéo est touchant. C'est très poétique. Oui, oui, absolument. Donc, tout le monde a levé la main, donc on s'est dit, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Puis là, on va avoir, d'entrée de jeu, on va avoir une installation qui va accueillir les gens, qui va être une installation interactive, donc avec la projection de visuel et d'audio génératif, tout dépendamment de la position de la personne par rapport à l'installation. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est créé spécialement pour l'événement. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va nous être présenté. On a vu des images, on a parlé avec les créateurs. C'est ce qu'on aime beaucoup, nous aussi, c'est explorer, puis se faire surprendre, puis de tester des choses. Comme au Moi Multi, parfois, il y a des choses qui sont produites pour la première fois, puis on fait du saut tout le monde en les voyant. Tout le monde ensemble. Des fois, le créateur, c'est le premier. Puis, vous, Guetta. Oui. Pierre-Olivier, dis-moi, dans l'intitulé, on parle d'un concert, et je me sens de guillemets, acousmatique. Oui. Le terme est toujours un peu mystérieux. J'aimerais ça que tu nous rappelles un peu de quoi il en retourne que de cette approche acousmatique. Oui, ben c'était un... L'acousmatique réunit beaucoup de choses qui ont évolué dans l'histoire. Il y a eu la musique concrète qui était faite à partir de bruits enregistrés, donc vraiment de l'amalgamage de bruits préenregistrés. Il y a eu l'avènement de la musique électronique, donc vraiment de la génération sonore par de la synthèse additive, par de la synthèse FM, des amplificateurs et tout ça, donc vraiment des sons qui ont été générés. Ensuite, il y a eu de la captation avec du traitement en temps réel, donc de la captation d'instruments acoustiques avec du traitement qui donnait comme une espèce de méta, des métas instruments. Et il y a eu ensuite plusieurs combinaisons de tous ces arts-là qui ont donné des difficultés d'appellation assez redoutables. Et la musique acousmatique, en plus en considérant des installations, des studios comme ceux du Lantis, avec des facilités de spatialisation du son et du traitement et des technologies. C'est un peu pour rejoindre tout ce monde-là que le terme acousmatique est très unificateur. Acousmatique, automatique, ouais. ça regroupe toutes sortes de choses. Ouais, c'est très robotique. Robotique aussi. Très robotique. Alors, donc, les deux installations, oui. Dont celle de côté Campion. Oui, il y a aussi... Ça, c'est l'archipel dont tu viens de parler? Non, ça, je viens de parler de... L'autre. De l'autre. De l'autre, oui, ça s'appelle l'autre. Gagnon. Oui, exactement. Il y a une autre installation de James O'Callaghan. Mm-hmm. Pour un quatuor à cordes sans instrumentiste. Donc là, il y a une installation avec des instruments acoustiques. Dans l'occurrence ici, c'est un quatuor à cordes. Il nous a fait un arrangement spécial. C'est supposé être fait pour 4 guitares. Il nous a fait un arrangement pour quatuor à cordes. Donc, il va avoir une mise en vibration de ces instruments-là par une installation avec des micro-transduceurs. Et puis, le son qui sera généré, dont on a une petite idée en ce moment. Non? Ah, ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend dans la ventilation. C'est ça qui était... ventilation peut-être? Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait de quoi qui commençait. Oui, c'est quelque chose de très doux. Donc, le corps de l'œuvre vient de cette mise en vibration-là. Okay. Et puis, dans le concert, James va présenter une pièce qui s'appelle Empties Impetus, oui. Et une pièce qui s'appelle Body's Soundings, qui utilise ce principe-là. Donc, okay. On voulait que James nous fasse une installation à l'extérieur du studio principal pour que les gens puissent visiter un peu l'intérieur de l'œuvre avant même... d'en voir l'extérieur. D'en voir l'extérieur ou de le constater. Donc, essayer de piquer la curiosité. Et ensuite, ça, c'est les deux installations qui seront en marge du concert. Mm-hmm. En pré-concert à 7h30, à 19h30, on invite les gens à venir écouter un documentaire acousmatique. Donc, c'est une forme d'œuvre beaucoup plus narrative. C'est un documentaire, le documentaire Archipel de Guillaume Côté, qui sera une première... Okay, ça, c'est un documentaire Archipel. Okay. Oui, ça, c'est vraiment un documentaire acousmatique qui est vraiment une première canadienne. Donc c'est une vidéo... Non. C'est quoi, non? C'est seulement sonore. C'est un documentaire sonore. Encore une des ramifications du terme acousmatique. Quand on est habitué, quand on parle d'un documentaire, à avoir un aspect visuel. Donc, ouais. Dans ce documentaire-là, ce n'est que du son, dans le fond. Oui, oui, oui. OK, donc c'est un récit sonore. Oui, donc il y a un côté récitatif, discursif. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Pierre-Olivier? On vient d'entendre le chant des mailles qui est de toi. Qui est de moi. Mm-hmm. En fait, c'est pour quatuor à cordes et piano. Ça a été joué encore une fois dans notre premier concert de saison 27 à Holy Trinity. Alors, parlant de concert, parlons du prochain, puisque c'est d'abord pour ça que tu es ici. Ben oui. Il nous reste quelques minutes. Oui. Présente-nous un peu qu'est-ce qui va se passer dans ce concert-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'on arrive au concert, on invite les gens à venir avant l'heure du concert à proprement parler pour visiter deux petites installations qu'on a en marge du concert qui ont un rapport esthétique avec qu'est-ce qui sera présenté dans le concert. on demande aux gens d'être là à 7h30. À 7h30, il y a un documentaire acousmatique qui est présenté par Guillaume Côté. Et puis, dans le concert, on aura des pièces de Guillaume Côté, de James O'Callaghan et de Adam Basanta. Donc, une formule concert, somme toute, assez standard, sauf que assez standard au Lantis, c'est qu'il y a beaucoup de jouets au Lantis pour avoir une expérience concert, même quand elle est standard, elle est singulière. Donc, on va avoir un petit dôme de 12 speakers avec un speaker qui va survoler. Donc ils vont faire une mise en scène des haut-parleurs et oui, tout ça. Là. Oui, absolument. Ça, on a vécu ça l'an dernier avec une pièce de Robert Normando. Donc, cette année, le deal et le fun, c'était qu'on réitère avec une installation de ce type-là. Là. Donc, tout le concert, les 6 pièces qui auront dans le concert, utiliseront une certaine spatialisation, puis mettront le public dans un état d'immersion sonore. Là. Alors, on est tellement de notre d'où temps. D'où l'idée d'immersion qui apparaissait dans le... Absolument. J'avais hâte de l'entendre. Donc, c'est par le son que l'immersion va se faire. Oui, puis c'est un peu pour ça qu'on veut présenter des installations, pour que les gens tout de suite se sentent envahis. Mm-hmm. Et pas besoin d'attendre le début du concert avant d'être dans quelque chose. Donc, une très bonne idée. C'est notre fréquence de cette année. Alors voilà. Bien, écoute, on rappelle que c'est vendredi prochain, le 26 oui. février, donc dès 19h30. Oui. Hein? Donc le concert va commencer autour d'eux, mais un petit peu plus tard, mais il reste qu'on va pouvoir se familiariser avec les œuvres sonores, l'ambiance. Oui, les gens peuvent arriver un peu avant, là, puis où rester après, ça sera selon. Bon. Il y a des prix, hein. C'est oui. C'est 15 $ pour l'admission générale, c'est quand même pas cher. Puis il y a même des prix pour les étudiants. Oui, absolument. Et les 30 ans et moins. Oui. Donc c'est 12 $, et ça c'est taxé frais en sus. Nous on a fait le même prix que l'année dernière, donc si on considère que le taux de l'augmentation du coût de la vie, là, ben, c'est moins cher que l'année passée. C'est ça. Mais vous faites pas d'argent dans le fond avec ça. On a juste du plaisir. Ben écoutez, Pierre-Olivier, merci beaucoup d'être passé par chez nous. Merci de l'invitation. Et puis on vous souhaite le meilleur la plus belle des soirées. T'sais. Oui. On ne vous souhaitera pas quoi que ce soit. On va vous souhaiter la meilleure des soirées, puis en espérant qu'on s'y croise vendredi prochain. Vous êtes grandement invité, comme tous vos téléspectateurs. Merci pour l'image. Alors on s'en va en pause publicitaire. Non, pas tout de suite. On fait une petite pause musicale, Gaëtan. Ouais, ben on va finir ça avec une dernière pièce d'Erreur type 27, une pièce qui s'intitule Félix Catus, qui est composée par Geneviève Dupuis, n'est-ce oui, pas, Pierre-Olivier? Absolument. Alors, ben voilà, c'est. Considérons que. C'est parti. Considérons que c'est parti. Oui. Allez, merci encore. Merci beaucoup. écoutez CKRL 89.1. Et La Llorona, c'est une histoire ancienne, une histoire folklorique de mexicaine au sujet d'une fantôme qui s'appelle La Llorona, la pleureuse. Cette fantôme hante des rivières et des lacs en cherchant des enfants. Je fais un deuil aussi grave, Llorona, que je pourrais presque dire que moi, je ne fais pas le deuil, c'est le deuil qui me fait. Émilie-Claire Barlot et son voyage intérieur à Sentier Secret, mardi 23 février à 10h. Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leurs coups de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. LibrairiePantoute.com. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Objectif 40 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30 par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, deuxième demi-heure de l'accroche-oreille. De l'accroche-oreille. OK, non, c'est genre... C'est bon. Deuxième demi-heure, donc, de l'accroche-oreille. Jean-Pierre Guigue est en Gosselin, toujours avec vous. Alors, pour cette deuxième demi-heure, nous vous présentons une entrevue que nous avons réalisée, Gaétan et moi, dans le cadre du Mois Multi, avec une artiste d'un... En fait, c'est un groupe qui s'appelle Quadère, dont Myriam Boucher fait partie et que nous allons entendre en entrevue, mais aussi le groupe comprend trois autres artistes, Gaétan. Oui, trois artistes qui font partie du groupe, qui ont performé au Mois Multi. Lucas Paris, Alexis Langevin, Tétro et Pierre-Luc Lecourt, qui forment cet ensemble assez formidable et assez atypique, je dirais. Assez atypique et qui travaille avec des roues de vélo comme instrument. C'est essentiellement des roues de vélo, ce qui est assez particulier comme spectacle, autant au plan visuel que sonore. Alors, on écoute l'entrevue, Gaétan. Alors, Myriam, du groupe Quadère, ça vient d'où, ce Quadère? Le nom vient de... Bon, c'est assez simple comme concept. On est quatre. On a quatre roues, puis on s'appelle Quadère. Ça veut dire que, bon, quand on vous voit en spectacle, vous avez des roues de vélo. Mm-hmm. C'est votre instrument, quelque part. C'est votre instrument, les roues de vélo. C'est venu... comment en êtes-vous venu à avoir cette idée d'utiliser une roue de vélo comme instrument? Bien, au départ, l'idée, c'était vraiment de faire un groupe, comme un groupe de musique avec des objets. Alors, on utilisait... on a commencé par explorer le concept en utilisant plein d'objets. On avait des ballons, des hélices de ventilateur, un vélo. On avait plein de choses. Puis, à un moment donné, on a épuré un petit peu. On s'est dit, bon, la roue, ça fait un son... vraiment intéressant. C'est le fun de manipuler une roue de vélo. On a laissé tomber l'hélice, on a laissé tomber les ballons, puis on a gardé juste les roues finalement. Et un synthétiseur aussi modulaire qu'on aimait bien, aimait bien le son de ça. Myriam, les roues, elles ont le même format. Vous auriez pu utiliser une roue de gros monocycle, une petite roue, des roues. J'ai vu que dans le spectacle, il y avait une roue qui avait sa peau, si je peux dire, son pneu, mais les autres, il n'y avait rien. Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir des roues de même format et une seule qui soit modifiée? Bien, au départ, on prenait ce qu'on avait chez nous. Fait qu'on a commencé, puis moi et un autre membre du groupe, là, Pierre-Luc Lecourt, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos. On a beaucoup de roues de vélo dans notre cabanon. Alors, on a pris nos roues de vélo. Puis, à force de pratiquer dessus, de jouer avec, ben, on s'est mis à connaître bien nos roues. Nos rayons sont un peu comme accordés, sont un petit peu rouillés, fait que ça sonne mieux. Puis on s'est attaché à ces roues-là, finalement, fait qu'on les a gardées. Puis, il y en a une avec un pneu, c'est celle que j'ai. Mm-hmm. C'est la seule qui tourne aussi. Oui, c'est la seule qui tourne des trois. La raison, c'est une raison technique. C'est que les trois autres membres du groupe ont des micro-contacts collés sur leur roue. Puis, l'endroit où ça sonne le mieux, c'est un peu délicat, là, mais fallait le poser vraiment sur le ring de la roue. Fait que ça fait qu'on peut pas les faire tourner sinon le micro-contact, mais ils tournent avec, puis là, ça va pas bien. Alors que moi, j'ai d'autres types de sons. Alors, je pose mon micro-contact sur la fourche. Alors, je peux faire tourner ma roue, puis j'ai gardé le pneu. Ben, ça sonnait un petit peu mieux pour le genre de son que je faisais. Au début, je tapais sur le pneu aussi. Alors, j'avais pas un son de métal. J'avais un son de plus percussif, okay, là, plus rond un petit peu. Fait que j'ai gardé le pneu, ça fait moins mal aux mains aussi quand je l'ai fait tourner. Santé, sécurité. C'est une raison pratique, finalement, oui. Mais le répertoire qui accompagne ça, c'est des créations du groupe? Oui, complètement. Ça part d'improvisation. On improvise beaucoup, on fait des jeux, on se base beaucoup sur l'écriture de la musique électroacoustique pour improviser, comme on va se faire, on va se dire, OK, là, on fait des trames sonores, des nappes de son, on va faire des jeux de questions-réponses, on va faire des petits objets sonores. On se fait des jeux d'improvisation comme ça, puis finalement, on construit des sections, on développe, puis au final, ça a donné une pièce, mais c'est vraiment parti de ça. Thank you. la création, est-ce qu'elle se fait avec les appareils ou si elle se fait de façon conceptuelle? Avec les appareils, on est vraiment dans la matière sonore quand on crée. Alors, on est avec nos roues, nos micro-contacts, puis on fait du son. On crée comme ça, on s'enregistre, on se réécoute, on fait « Ah, ça sonne bien, ça sonne pas bien », on réajuste. Il y a beaucoup d'effets sur les roues, hein, sinon ça sonnerait vraiment comme juste du métal. Alors, on réajuste nos effets, on va aller chercher... On va dire, là, il manque tel genre de son, un son plus grave, un son plus aigu pour compléter. On travaille un peu la matière sonore par après. On joue, on se réenregistre, on se réécoute. Ouais, c'est vraiment un processus d'aller-retour, là. OK, c'est d'aller-retour. Entre les deux, oui. Donc, il n'y a pas une composition qui est, je dirais, organique, organisée. C'est plutôt organique, là, dans le fond. Ça dépend de ce que vous ressentez au fur et à mesure que vous jouez, que vous manipulez vos instruments. Oui, vraiment. À la base, l'idée, c'était vraiment de parce qu'on est tous du milieu de la musique électroacoustique. Mm-hmm. Et c'est habituellement de la musique qui est présentée en concert avec un médium fixe, là, c'est-à-dire qu'on fait jouer une pièce et le compositeur est derrière une console pour spatialiser le son. Oui. Bon, fait qu'il n'y a pas de performance, tu sais. Mais on voulait arriver à une pièce très écrite, comme on fait sur Superfix, mais en performance. Fait que ça, c'était le concept de base. T'sais. On va faire de quoi d'écrit, de vraiment travailler, pas juste comme un jam là, d'une demi-heure sur des cossins. Ça, c'était vraiment le concept. Fait qu'on travaillait plus l'écriture au départ. Après, ça a pris forme. On s'est dit, bon, on va faire une pièce avec tel genre de forme. On va revenir à la fin... avec nos éléments de départ, bon. Donc, c'était l'idée de sortir du fameux concert d'électroacoustique où tu as quelqu'un derrière son laptop, puis tout le monde écoute. Vous vouliez intégrer là-dedans quelque chose de plus visuel? Oui, plus visuel puis plus viscéral pour nous. Mm-hmm. Quand on joue, tout est fait en temps réel. Alors, si on joue pas, ben, y a rien qui se passe. Il faut vraiment qu'on joue, il faut qu'on tape fort sur nos roues pour qu'il y ait du son. Alors, c'est vraiment... On vient tout aussi de la scène de la musique rock, un peu. Mm-hmm. Fait qu'on se dit, ben, c'est comme un band de rock, mais avec des sons un peu plus... Il manque un solo de guitare. Oui, c'est manque juste ça. Puis on sent que ça veut swinguer quand on vous regarde performer. Myriam, tu touches une affaire qui me chicote un peu, c'est que tu fais le rapport entre la musique électroacoustique puis ce spectacle d'art sonore. Comment vous faites pour fixer cette musique-là? C'est-à-dire, une fois que le synthétiseur est disparu, une fois que les roues sont serrées, est-ce que vous avez développé une écriture ou encore il y a une écriture de référence qui vous permet de passer ça à d'autres générations, je dirais, pour le rejouer? Ou tout simplement, si on est dans une avenue, c'est ici maintenant et puis c'est terminé? Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est un sujet dont on discute beaucoup en musique électroacoustique. Comment, si on veut faire jouer nos pièces, comment qu'on fait? Bon, il y a des partitions graphiques qu'on peut faire, mais c'est pas facile. Surtout que nous, on a trois ordinateurs qui gèrent le son. Chaque ordinateur a des contrôles, certaines roues avec des effets en temps réel, fait qu'il faudrait même être capable de dire, OK, cette roue-là, tu mets tel effet dessus, tu fais ça tel... Bon, ça peut devenir vraiment compliqué. Nous, pour pas oublier notre pièce, on s'enregistre, on réécoute, puis on fait, OK, je me souviens, on se filme aussi. Alors, on se souvient des manipulations avec les vidéos, en réécoutant, on a aussi on enregistre nos compositions avec les effets, tout ça. Fait qu'on a juste à rouvrir nos logiciels puis nos patchs. Mais ouais, ça c'est la question. Là, comment qu'on fait? T'sais? Est-ce qu'on écrit ça avec des dessins pour chaque roue? Tu fais ça à tel moment? On pourrait. Il faudrait s'y mettre. Ouais, faire une portée, là. Ouais. Une portée, c'est sûr. Ouais, mais j'ai vu des portées d'art contemporain, là, puis il y a des petits dessins dessus, puis un tel qui rentre. Ouais, c'est vraiment ça, tu sais. Mettons, on pourrait dire, bon, ben là, il faut que tu tapes sur la roue, ben on pourrait dire, ben ça, c'est un rond. On pourrait décider un peu de nos éléments graphiques, là, pour représenter le son. Tu parlais de visuel, il y avait aussi un aspect visuel dans le spectacle hier. C'est nouveau que vous ayez intégré ça, puis c'est vous qui l'avez fait? Oui, ben au départ, on voulait vraiment faire ça pour... On fait tout aussi, tu sais, en performance, on utilise beaucoup le visuel, que ce soit les éclairages ou la vidéo en art numérique, souvent. Alors, puis moi, je fais beaucoup de vidéos, ma pratique est vraiment... très, très liée à la vidéo. Là. Tout ce que je fais en son, il y a de la vidéo avec. Alors, ça allait de soi, là, qu'il y aurait la vidéo quelque part, ouais. Mm-hmm. Mais on la projette sur nous, alors c'est pas de la vidéo que tu regardes, mm-hmm. et là que tu regardes les musiciens, là tu regardes la vidéo, c'est vraiment les deux ensemble. Oui, parce que la vidéo est projetée sur les musiciens et sur l'écran. Exact. Fait que s'il n'y a pas de vidéo, on ne voit pas. Alors, tu sais, il n'y a vraiment pas d'éclairage. Puis, on a décidé aussi de ne pas toujours montrer ce qu'on fait. Il y a des moments plus... bon, ben là, faut que tu t'attardes au son. J'essaie pas de comprendre. Écoute. OK, là, on revient dans la lumière. On retourne un peu. Des fois, il y a des parties plus sombres que d'autres. Fait que... Puis là, on travaille sur une prochaine version avec des lumières aussi pour faire plus d'ombre. Parce que c'est dur à contrôler les ombres dans les salles de concert. La disposition des projecteurs n'est jamais au même endroit. Puis, fait que là, on va mettre des lumières au sol. Ça va faire plus d'ombre. Ouais, c'est la prochaine étape. Alors, Myriam, est-ce qu'il y a des projets en cours pour votre groupe? Des projets en cours, il y a des concerts qui s'en viennent à Montréal. Surtout à Montréal, en ce moment, on essaie aussi, éventuellement, on aimerait se sortir du Québec. Il y a beaucoup d'événements d'art numérique, mettons, en Europe, tout ça, fait qu'on travaille là-dessus. Sinon, on fait une version 2.0 de notre spectacle, justement, avec des lumières, tout ça, on travaille là-dessus. Mais merci d'être passé au Mois Multi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'était Myriam Boucher du groupe Quadair. Écoutez, on va se laisser, non pas sur une pièce de Quadair, mais sur une pièce de Sonia Paco Rocha, que nous aurons le plaisir d'accueillir la semaine prochaine, Gaétan, qui a un travail monumental, comme tu as constaté sur le web. Ouais, c'est une artiste qui est en résidence actuellement à la Chambre Blanche. À la Chambre Blanche, oui. Qui fait un travail dans le cadre de sa démarche d'artiste, à la fois d'artiste sonore, mais de musicienne. Elle conçoit des instruments, elle a un parcours assez impressionnant, formidable, et on va la recevoir la semaine prochaine. Parfait. Alors, on vous dit donc à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours réécouter cette émission sur le site de lacrocheoreille.wordpress.com. Si vous voulez nous écrire, c'est crocheoreille dans un seul mot, @gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine. C'était Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Gay. Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.